بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, les frères, donc la dernière assise concernant les déviances du docteur Ibrahim al-Ruhayli, wafakahullah. En sachant que, donc c'est la dernière assise que nous on va faire, mais ça ne veut pas dire qu'on a vu toutes les erreurs qui lui sont reprochées. Nous on a vu les erreurs qui ont été citées dans le livre, dans l'écrit de Cheikh Ubaid. Mais il y a aussi la réplique de Cheikh Rabir, où Cheikh Rabir va un peu approfondir sur d'autres erreurs. Et il y a aussi la réplique de Cheikh Abdullah al-Bukhari. Et donc le Cheikh Ubaid, il nous dit « Al-Ibaratul Khamisa », donc la cinquième phrase qu'il prononce, qui lui est reprochée, « Qawlu Dr. Ibrahim, wafakahullah, ana akulu lak, law rajulun indahu ilm, wama badda' al-jahma min Sufwan, wa'indahu ilm, wa'indahu khair, akulu lak, adamu tabdi'ihi li jahmi min Sufwan, tujannibuhu, watlubul ilm. » Et donc la parole du docteur Ibrahim al-Ruhayli, lorsqu'il dit « Je te dis, si un homme a de la science et qu'il ne taxe pas al-Jahm ibn Safwan d'innovateur, mais que cet homme a de la science et qu'il a du bien, alors là je te dis, le fait qu'il ne le taxe pas d'innovateur, tu t'en éloignes, mais étudie la science. » Mais étudie la science. Alors il n'y a nul doute, barakallahu fikoum, que le Cheikh Ubaid, il a vu le danger dans cette parole. Le fait d'envoyer une personne étudier chez quelqu'un qui ne taxe pas le Jahm ibn Safwan d'innovateur. Alors le cheikh, il lui dit « Hal anta ala ilmin hina kulta maqalatak bittifaq al-muslimin ala kufri al-Jahm ». Il lui dit « Est-ce que tu savais, au moment où tu as prononcé cette parole, est-ce que tu étais au courant de l'unanimité des musulmans concernant la mécréance de Jahm ?» Là, tu es en train d'envoyer une personne étudier chez, donc, et en plus de ça, une personne qui c'est un débutant. À un moment, le Cheikh Ubaid dit, on comprend de la façon dont tu parles, on comprend que tu t'adresses à un débutant. Un débutant, tu l'envoies étudier chez une personne « wa bida'atuhu mukaffira » alors que son innovation, elle le fait sortir d'islam. Comment tu envoies un débutant étudier chez une personne dont sa situation elle est comme celle-ci? Al-Jahm ibn Safwan ayyuhal ikhwa kama ra'ayna sabiqan qala inna al-Qur'an makhluq. Il a dit que le Coran a été créé, le Coran, donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala a été créée selon lui. Wa fi hadha isqatu ar-risala. Il y a en cela le fait de faire chuter la prophétie. Il n'y a plus de prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec la parole d'une créature. Puisque la parole qui a été créée est la parole d'une créature. Et donc ici, tu vas approuver l'argumentation de tous ceux qui combattent l'islam. Même les chrétiens, ils disent ça. Même les chrétiens, ils disent cela. Lorsque les chrétiens nous disent « Qala Allah », parce que parfois, on voit des chrétiens qui disent « Allah a dit ». Il y a un frère qui m'a posé cette question cette semaine. Il m'a dit « Oui, mais je ne comprends pas. » Justement, c'était sur le sujet al-Jahm. Il dit « Ahlus sunnati wal jama'a », ils disent que le Coran est la parole d'Allah qui n'a pas été créée. Les chrétiens disent que le Coran est la parole d'Allah qui n'a pas été créée. Et Isa est la parole d'Allah qui n'a pas été créée. Ça, c'est la parole des chrétiens. Et ensuite, c'est marqué à côté, Al-Jahmiya, ils disent que le Coran est la parole d'Allah qui a été créée. Le frère, il m'a dit, mais comment ça se fait? Les chrétiens, ils disent que le Coran, c'est la parole d'Allah? J'ai dit, oui, ça, c'est dans le débat. Lorsqu'ils veulent débattre avec nous, ils disent que le Coran, c'est la parole d'Allah. Ils disent, Allah, il dit ci, Allah, il dit ça, etc., etc. Mais sinon, dans leur croyance, le Coran, c'est pas la parole d'Allah. Le Coran, c'est la parole d'une créature, etc., etc. Mais lorsqu'ils veulent débattre avec nous pour utiliser des versets, etc., là, ils vont te dire, regarde, le Coran, Allah, il dit. L'imam Ahmed, rahimahullah, il dit, « Man kala inna al-Qur'an makhloukun fa huwa kafir, wa man shakka fi kufrihi fa huwa kafir. » l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit, celui qui dit que le Coran est créé, le Coran a été créé, alors celui-ci est un mécréant. Et celui qui doute de sa mécréance est lui aussi un mécréant. Et celui qui doute de sa mécréance est lui aussi un mécréant. Ensuite, le cher Ubayd, hafidahullah, il dit, « Hel tazunnu anna sahiba sunnatin wa ilmin wa fadl la yubaddi'u al-jahm » Est-ce que tu penses qu'une personne qui est un adepte de la sunna, qui a de la science et des mérites, ne va pas taxer le jahm d'innovateur? Les frères, là, on est dans le laxisme profond. On est dans le laxisme profond. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on est à une époque, comme il dit le cheikh Rabi'a, hafizahullah ta'ala, où ce laxisme s'est propagé. Des gens qui se disent salafi, mais les mises en garde... Non. Et là, avec cet individu, on est arrivé donc à un laxisme vraiment exagéré. Et donc, les frères, barakallahu fikoum, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a énormément de personnes qui combattent l'islam, qui combattent la sunna en se déguisant. Ils vont se déguiser, ils vont mettre un vêtement, ils vont faire en sorte de ressembler aux musulmans. Hein ? Il fait en sorte de ressembler aux musulmans et après il te dit il est permis d'adorer, il est permis de caricaturer le divin. Il est permis de, s'il va te sortir des mécréances comme ça, pour que les musulmans le suivent dans cette mécréance. Et donc ça, il faut qu'on fasse attention. De la même façon, il y a des personnes qui vont se déguiser en salafi. Ils se déguisent en salafi. Mais les répliques, non. Non, ça c'est pas pour nous ça. Ça, on le prend dans le Benhaj Salafi, la barbe, le camis, si, ça, quand le Cheikh Al-Islam nous t'est mis à de temps en temps, quand ça nous arrange, etc. Le reste, les mises en garde et tout ça, non, c'est pas pour nous. Et ça, on le constate en France. On le constate clairement en France. Les gens nous accusent d'être haddadi. À partir du moment où tu vas prendre quelques mises en garde des ulémas, hein, où tu vas prendre les mises en garde des ulémas, on va te taxer d'être un haddadi. Ah, ces gens-là, c'est les haddadiyoun, ils parlent trop sur les savants, etc. Voilà ce qu'ils disent. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont dans un laxisme profond. Il y a un point que je voulais voir avec vous, barakallahu fikoum. C'est aussi un point qui a été reproché à Ibrahim al-Ruhayli. Le cheikh Rabi'a hafidahullah, il nous dit, « Qu'est-ce que le docteur Ibrahim ?»« An yakuna raddu min alimin rasikhil qadam fil ilm » يعلم على وجه التفصيل جوانب المسألة المتعلقة بموضوع الرد من حيث الأدلة الشرعية عليها وكلام العلماء فيها ومدى مخالفة الخصم للحق ومنشأ الشبهة عنده وأقوال العلماء في رد هذه الشبهة والاستفادة من كلامهم في ذلك. Ibrahim Ruhayli, il nous cite les conditions de la réplique et de celui qui fait la réplique. Et donc il dit, il faut que la réplique soit faite par un savant qui est donc fermement dans la science, qui connaît en détail donc tous les sujets qui sont liés à la réplique. Avec les preuves de la législation qui sont liées à cela, ainsi que les preuves des savants sur ce sujet, ainsi que les paroles des savants sur ce sujet, et qui connaissent l'étendue donc de l'erreur de celui qui donc de celui sur qui il réplique, et qu'ils connaissent ce qui a causé l'ambiguïté. Ils connaissent d'où vient l'ambiguïté de la personne, et qu'ils connaissent les paroles des savants qui ont répliqué à cette ambiguïté. Et donc si on écoute la parole de Ibrahim Ruhayli ici, eh bien ici en France, les étudiants en sciences ne peuvent pas faire de réplique. Tu vois un mal, tu ne peux pas faire de réplique. Pourquoi ? Parce que les répliques, ça concerne les savants, et pas n'importe quel savant. On avait dit que c'est là, barakallahu fikoum, qu'à l'époque, les gens inventaient des hadiths pour combattre la sunna. Aujourd'hui, ils inventent des règles. Mais le fait d'inventer des règles, ce n'est pas nouveau. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas à l'époque. Ça existait déjà, même avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa qalu ma li hadha ar-rasul ياكلوا الطعام وهم يمشي في الاسواق. Ils ont dit car ce prophète a mangé de la nourriture et a marché dans les marchés et à se déplacer dans les marchés. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a ce prophète? Donc, qu'est-ce qu'il a cet homme qui prétend être prophète alors qu'il mange de la nourriture et qu'il se déplace dans les marchés? Et donc, ils ont mis une règle. Quelle est cette règle? C'est que si tu veux être prophète, si tu veux être messager, en fait, tu ne dois pas manger. Tu ne dois pas manger et tu ne dois pas avoir besoin de travailler ou avoir besoin de te déplacer dans les marchés pour tes besoins. Non, non, non. Si tu as ça, tu ne peux pas être un messager. Voilà pourquoi ils ont demandé, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas descendre un trésor sur lui? C'est-à-dire que, donc, c'est-à-dire que ce messager, pourquoi est-ce qu'on ne lui accorde pas une subsistance sans difficulté? Il n'aura plus besoin de se déplacer dans les marchés. Et donc, ils ont mis une règle comme ça à inventer. Si tu n'as pas telle et telle et telle caractéristique, tu ne peux pas être un messager. Alors que ces caractéristiques-là ne contredisent pas la prophétie. Comme ils disent les ulama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait de la nourriture car c'est un être humain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déplaçait dans les marchés car il est humble. Et tout cela ne contredit pas la prophétie. Tout cela ne contredit pas la prophétie. Et donc là, on va tomber donc dans le même principe, le fait d'inventer des règles pour combattre la vérité, pour combattre la religion. Et ça, ça me rappelle aussi, donc il y avait un frère ici à l'époque, je crois qu'ici vous l'appelez Mourad, pas toi. Franchement, j'ai jamais vu, subhanallah, un ignorant parler autant. C'est grave. Il m'avait appelé personnellement pour me dire qui t'a donné l'autorisation de faire des répliques. Depuis quand un étudiant peut faire des répliques? La même ambiguïté qu'Ibrahim Rouhaili. La même chose. Depuis quand un étudiant peut faire des répliques? Tout ça pour vous dire, barakallahu fikum, qu'on a beaucoup d'ambiguïté qu'on va trouver en France dans le sujet des répliques, dans le sujet de l'jar wa ta'dil, qu'on va trouver chez Ibrahim Rouhaili. Pour vous dire qu'aujourd'hui, les gens cherchent à propager ces ambiguïtés et qu'en réalité, elles sont propagées en France. Et donc, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention, qu'on lise les livres des répliques. C'est très important qu'on accorde du temps à ça. Et les gens vont nous dire, ouais, mais moi, je n'ai pas le temps, je dois apprendre la salade, je dois apprendre ci. Oui, tu dois apprendre la salade, on ne t'a pas dit le contraire. Tu dois apprendre comment faire la salade, tu dois apprendre comment faire le hajj, comment faire ta zakat, comment faire ta purification. Tu dois aussi apprendre comment te protéger des hizbiyin. Tu dois tout apprendre, en fait. T'as pas le choix. Il faut que tu apprennes le maximum. Ils vont te dire, non, non, moi j'apprends aussi. Mes frères, il y a aussi l'héritage que tu dois apprendre. Il y a aussi ci et ça et ça. La langue arabe, le tafsir, le hadith. Apprends le maximum. Tout ce que tu peux apprendre, tu l'apprends. Le cheikh Rabi'a, hafidahullah, il dit, akoul. Ya habbada an yakuna raddu min alimin rasikhin. Wa sifatuhu kama dhakart. Il dit, si seulement, oui, si seulement le rad pouvait être fait par un savant qui est fermement dans la science et dont ses attributs sont comme tu as cité. Walakin istikmala hadhihi sifat la yajibu fi kulli rad. Cependant, le fait de compléter, d'avoir rassemblé toutes ces caractéristiques n'est pas obligatoire chez toute personne qui fait des répliques. Wala yajibu istikmaluha fi kulli raddin. Et il n'est pas obligatoire de réunir toutes ces conditions dans chaque réplique. Wala wishtaratna dhalika fi kulli raddin wa kulli raddin. Lintashara al-fasad wastawla 'ala al-umma bi ajma'iha illa an-nadir min an-nas. Et si on imposait et si on mettait en condition la présence de ces conditions chez toute personne qui fait des répliques ou alors dans toute réplique, alors la corruption se serait propagée sur terre et aurait eu le dessus dans la communauté. Sauf, donc, un petit nombre des gens donc, qui ne seraient pas touchés par ce mal. Thaniyan, deuxièmement, yu'akkidu adama sihhat istikmali hadhihi shurut annaka la tajidu fi mu'dham bilad al-islamiyya. Ulama salafiyin rasikhin wa yujadu fiha tullabu ilm wa ma'a dhalika fa innahu qad nafa'a Allahu bihim fi nashr at-tawhid Et donc il dit, et parmi les éléments qui vont appuyer donc le fait que le rassemblement de ces conditions, le fait de réunir ces conditions est caduque, il y a le fait que tu trouves dans la majorité des pays musulmans, et donc tu verras que dans la majorité des pays musulmans, il n'y a pas de salafis, il n'y a pas de savants salafis qui sont fermement dans la science. Dans la majorité des pays musulmans, tu ne trouves pas de savants salafis fermement dans la science. Mais il y a des étudiants en sciences. Il y a des étudiants en sciences. Et malgré cela, alors Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait en sorte que ces gens, ces étudiants donc, soient profitables. Et il a propagé par eux le tawhid. Et le fait de combattre quoi, les shirkiyat, le polythéisme, les innovations et tout ce qui revient donc des charlatans. Wa ana as'alu Dr Ibrahim. إذا كان هناك بلد أو بلدان تنتشر فيها البدع والمنكرات ولا يوجد فيها عالم راسخ أو عالم أو علماء راسخون تتوفر فيهم تلك الشروط ويوجد فيها طلاب علم قد قرأوا الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب وكتاب الواسطية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي أو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وتنتشر في بلادهم أو بلدانهم بدعة تعطيل صفات الله تبارك وتعالى وبدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعة الشرك بأهل الكبور وغيرها من البدع ويكثر فيها شرب الخمر وتهتك النساء وتحتك النساء فهل يجب أن ينكر هذه المنكرات في حدود علمهم أو يجب عليهم السكوت لأنهم ليسوا من العلماء الراسخين. Et donc il dit, je demande au docteur Ibrahim, si il y a dans certains pays, si se propagent dans ces pays-là des innovations et donc des actes blâmables, et il n'y a pas dans ces pays de, il n'y a pas dans ces pays de savants qui soient fermement dans la science. Mais il n'y a pas dans ces pays-là de savants fermement dans la science qui réunissent toutes ces conditions. Mais par contre, il y a des étudiants qui ont lu les trois fondements, Keshf al-Shubuhat, le livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, Al-Wasitiya, Al-Hamawiya de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Rahimahullah, Umdat al-Ahkam de l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi, Boulour al-Maram de l'Hafid ibn Hajar. Et donc ils ont lu ces livres-là et il y a dans leur pays l'innovation, donc les innovations, des innovations qui se propagent. Le Cheikh, il a fait, donc il a cité quelques innovations. Donc Ta'til aussi Fatillah, le fait de rejeter les attributs d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, l'innovation du destin, l'innovation de l'Irja, l'innovation donc du polythéisme avec les gens des tombes et d'autres innovations. Et on peut aussi trouver le fait que se propage donc l'alcool, le fait de boire de l'alcool, ou le fait donc d'attaquer l'honneur des femmes. Et donc à ce moment-là, est-il obligatoire à ces étudiants de répliquer à ce mal, ou alors leur est-il obligatoire de se taire parce qu'ils ne sont pas des savants qui sont fermement dans la science? A'taqidu anna Dr Ibrahim سيجيب بأنه يجب على هؤلاء الطلاب أن ينكروها ويغيروها في حدود علمهم وطاقتهم امتثالا لقول الله تعالى. Il dit, et je pense que le docteur Ibrahim va répondre en disant qu'il est obligatoire à ses étudiants de répliquer et de rejeter ce mal en fonction de leur connaissance et de leur capacité, et tout cela en obéissant à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Et qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui ordonne le bien, qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, et ceux-là sont ceux qui auront réussi. وامتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم et en suivant l'ordre du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. Celui d'entre vous qui voit un mal alors qu'il le change de sa main, s'il n'en a pas la capacité, alors avec sa langue, et s'il n'en a pas la capacité, alors avec son cœur, et ceci est le plus bas degré de la foi. Le cheikh il dit, « فَمَنْ كَيْنَ مِنْهُمْ ذَا سُلْطَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَمَنْ كَيْنَ غَيْرَ ذِي سُلْطَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَ بِلِسَانِهِ وَقَلَمِهِ وَبَنَانِهِ وَلَا أَظُنُّ عَلِمًا أَوْ طَالِبَ عِلْمٍ يُخَالِفُ فِي هَذَا. Il dit le cheikh Rabi, et donc celui qui a une force, qui a une autorité, alors il doit changer le mal avec sa main et avec sa langue. Mais celui qui n'a pas d'autorité, alors celui-ci doit changer le mal avec sa langue, avec sa plume et avec ses doigts. Et je ne pense pas qu'il y a un savant ou un étudiant en sciences qui va contredire cela. وَأَعْتَقِدُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الطُّلَّابِ الَّذِينَ وَصَفْتُهُمْ إِنْ سَكَتُوا عَنْ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرَاتِ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى. Et donc il dit, je pense que donc ces étudiants que j'ai décrits, donc les trois fondements, etc. Je pense que ces étudiants que j'ai décrits, s'ils se taisent et ne changent pas le blâmable, alors ils rentrent dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Ont été maudits donc ceux qui ont mécru, ont été maudits ceux qui ont mécru parmi les enfants d'Israël par la langue de Daoud et de Isa ibn Maryam. Ceci à cause de leur transgression, à cause de leur péché et de leur transgression. Ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient, comme est mauvais ce qu'ils faisaient. Comme est mauvais ce qu'ils faisaient. Et donc, barakallahu fikoum. On comprend ici, barakallahu fikoum les frères, on comprend ici que, bien entendu, ça aurait été mieux si la réplique elle était faite par un savant. C'est sûr, personne ne va rejeter cela. Mais lorsqu'il y a la nécessité que cette réplique soit faite par un étudiant en sciences qui va répliquer en fonction de ses connaissances, il ne dépasse pas ses connaissances, et en fonction de ses capacités, alors là, il n'y a pas de mal. Où est le mal? Et elle est où la preuve qui montre qu'il ne peut pas faire cette réplique? Et donc, il faut faire attention à ces gens qui vont inventer des règles sans preuve. Il dit le Cheikh Rabi un peu plus loin, wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhaka adhafu al-iman. Et donc il recite le hadith qu'on vient de voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui d'entre vous qui voit un mal alors qu'il le change par sa main, s'il n'a pas la capacité alors par sa langue, et s'il n'a pas la capacité alors par son cœur, et ceci est le plus bas degré de la foi. Ensuite il dit, وَلَمْ يَأْتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِشِيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْقُيُودِ الَّتِي ذَكَرَهَا الدُّكْتُورِ إِبْرَاهِيمِ. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est venu avec aucune des conditions qu'a cité le docteur Ibrahim. Aucune des conditions. Il a dit, celui d'entre vous qui voit un mal, alors qu'il le change avec sa main, s'il n'a pas la capacité, alors avec sa langue, et s'il n'a pas la capacité, alors avec son cœur. Il n'a cité aucune des conditions qui ont été cités par Ibrahim Ruhaili. Et donc il faut faire attention. Il faut faire attention à ces gens qui vont inventer des règles. Wa kutubu salaf ala kathratiha wa kathrati ma fiha min al-aqwal fi ar-radd ala al-bid'a wa al-munkarat lam najid fiha hadhihi al-quyud ash-shadida. Il dit, les livres des salafs, des pieux prédécesseurs, malgré leur grand nombre et le grand nombre de paroles des savants qu'on trouve dans ces livres-là concernant les répliques sur les innovations et le fait de rejeter le mal, on n'a pas trouvé dans les livres des salafs les conditions dures qu'a cité Ibrahim Ruhaili dans la réplique. Naam, yajibu an yakuna raddul alim qa'iman ala al-adillati min al-kitab wa sunna wa bil uslub al munasib. Oui, il est obligatoire que la réplique du savant soit basée sur des preuves du livre et de la sunna, et avec la bonne méthodologie, la bonne méthode. فَكَدْ يَتَطَلَّبُ الْمَوْقِفَ الْلِينُ وَالْرِفْقُ وَكَدْ يَتَطَلَّبُ الْقُوَّةَ عَلَى الْمُسْتَكْبِرُ وَالْمُعَانِدُ. Il dit, et il se peut que cela demande de la douceur. Il se peut que la situation demande donc de la douceur, comme il se peut que cette situation demande de la force, de la dureté, donc face à celui qui est orgueilleux et entêté. وَكِلَهُمَ لَا يُنَافِي الْحِكْمَةِ Et tous les deux ne contredisent pas la sagesse. Hein? Comme les gens veulent propager aujourd'hui. Ils veulent propager quoi que... Ah non, lui, ah, il a parlé durement. Non, ça, c'est quoi ce comportement? C'est pas un comportement d'étudiant en sciences. Il a dit qu'Ibn Hadi, c'est un kadif. Subhanallah. Taïb, lis le Coran. Ouvre le Coran. C'est quoi ça? Il a insulté le savant. Il a dit que c'est un fasik. Subhanallah. J'étais en Tunisie, il y a un frère qui m'a dit, oui, ils disent que tu as insulté les savants. Ah oui, j'ai insulté quel savant? Ils disent, Mohamed Ben Hadi. Ils disent que tu as dit sur lui, c'est un fasik. J'ai dit, ah bon, et Allah, il l'insulte? Est-ce que Allah, il l'insulte? Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, Allah, il n'a pas cité le terme fasik dans son livre. Il n'a pas dit que ceux qui font ça, ce sont des foussaks. Oui, c'est vrai. Ok, donc Allah, il insulte, vu que moi, j'insulte en utilisant le terme fasik. Ce terme, je l'ai pris d'où? Ah ouais, c'est vrai, vu comme ça, c'est vrai que... Ah ouais, maintenant, vu comme ça, c'est vrai que... Et donc, il faut qu'on fasse attention. Aujourd'hui, ils vont venir avec des ambiguïtés à chaque fois. Ah non, il est trop dur. Vu qu'il est dur, non, c'est pas bien. C'est pas ça le comportement d'un alim. Yahi, tout dépend de la situation. Parfois, ça demande de la douceur. Parfois, ça demande de la dureté. Et tout cela ne contredit pas la sagesse. Et donc, aujourd'hui, barakallahu fikoum, on a cette ambiance qui est propagée, le fait qu'il faut se taire. La sagesse, c'est de se taire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, « Man ra'a minkum munkaran » Celui d'entre vous qui voit un mal, alors qu'il le change. Eux, ils disent, la sagesse, c'est se taire. Alors qu'il le change, s'il en a la capacité avec sa main, s'il n'en a pas la capacité avec sa langue, et s'il n'en a pas la capacité, alors avec son cœur. Et ceci est le plus bas degré de la foi. Ils vont te dire, le meilleur degré, la meilleure chose à faire, c'est de se taire. Tu rejettes avec ton cœur. La meilleure chose à faire. Et c'est ça la sagesse. Et donc, barakallahu fikoum, les frères, faites attention à toutes ces personnes qui vont venir avec des règles inventées, qui contredisent le Coran et la Sunna, tout ça pour combattre les gens qui répliquent au faux. Il faut combattre les gens qui répliquent au faux, afin que les gens restent dans le faux. Et donc le cheikh, il dit, car certes, donc cela ne contredit pas la sagesse, car certes, la sagesse, c'est le fait de mettre les choses à leur place. La sagesse, c'est le fait de mettre les choses à leur place. Voilà, donc c'est quelques paroles de l'imam Rabi'a Hafizahullahu Ta'ala que j'ai voulu aussi citer concernant ce sujet, parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est important qu'on fasse attention à notre époque, aux règles inventées. Et comment tu fais? Barakallahu fik. Là, on a lu un peu, et comme vous avez pu le constater, je n'ai pas lu toutes les paroles du Cheikh Obeid, pour éviter que ça soit trop long. Et je n'ai pas lu non plus toutes les paroles de Cheikh Rabia, pour éviter que ça soit trop long. Mais il est important qu'on accorde du temps à ce sujet, le fait d'étudier des répliques. Donc là, alhamdoulilah, mashallah, il y a des durous de fiqh, il y a de l'aqida, il y a du manhaj, il faut rajouter si on peut du tafsir, il faut rajouter si on peut du hadith, il faut rajouter obligatoirement la langue arabe, obligatoirement, l'étude de la langue arabe, l'étude du Coran, d'accord, ça c'est important. Et il faut aussi rajouter les répliques, c'est important, afin de te protéger. Souvent, les ambiguïtés que tu vas trouver chez beaucoup de personnes, tu vas les trouver parce qu'ils ne lisent pas les livres de répliques, tout simplement. Parce qu'il n'accorde pas d'importance à ce sujet. Jazakumullah khairan. Et donc ce sujet fait partie de la science. Ce sujet fait partie de la science, comme on l'a vu précédemment. On va arrêter la cour aujourd'hui. Bi'idhnillahi ta'ala. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa ardor. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.